quand les Anglais furent, autant dire, tous revenus de la poursuite, et eurent rejoint le prince de Galles, qui les attendait sur le champ de bataille, ils constatèrent qu'ils avaient deux fois plus de prisonniers qu'ils n'étaient eux-mêmes. Ils résolurent donc entre eux, vu la grande charge que cela représentait, d'en mettre la plupart à rançon, sur le champ, et ainsi firent-ils. Les chevaliers et écuyers prisonniers trouvèrent grande courtoisie chez les Anglais et Gascons. Et ce même jour, une foule d'entre eux furent libérés contre rançon ou s'engagèrent simplement sur leur parole à se rendre, avant la Noël suivante, à Bordeaux-sur-Gironde pour y apporter leur rançon. Quand le rassemblement fut à peu près terminé, chacun se retira en son cantonnement, à proximité immédiate du champ de bataille, et certains quittèrent leurs armes, mais non pas tous, et ils désarmèrent leurs prisonniers et les honorèrent autant qu'ils purent, chacun les siens, car chez eux, qui faisaient un prisonnier dans une bataille, le prisonnier était à lui, et il le pouvait relâcher ou rançonner à son gré. Aussi peut-on bien penser que tous ceux qui étaient à cette fructueuse bataille avec le prince de Galles furent riches d'honneurs et d'avoirs, tant par les rançons des prisonniers que par le gain d'or et d'argent qu'ils réalisèrent, tant en vaisselle d'or et d'argent qu'en riches joyaux, en malles, farcis de ceintures riches et pesantes et de beaux manteaux. Quant aux armures, cuissards et bassinets, on ne pouvait les compter, car les Français étaient venus en riche appareil et aussi luxueux que possible, un homme qui croyait bien que le sort de cette journée leur serait favorable.